Voix 2, voix qui bourdonne la Saint-Jean. Le mien n'y est pas, j'en suis assurée, le mien n'y est pas, j'en suis assurée, il est à Paris, loin de la Vendée, va mon ami, va, la lune se lève, va mon ami, va, la lune s'en va.